te la présente telle quelle, sans artifice. Celle pour qui j'ai fait, je ferai tous les sacrifices. Mis de côté ma vie, les ouvertures, les orifices. Même si c'est cru, c'est crade, elle et moi c'est ni une histoire de cul, ni une sérénade parsemée de jérémiades. C'est une grande escalade, une excursion, une balade, la seule que j'aime, puis notre rencontre, un truc de malade. Avec elle, je parle de tout et je raconte jamais de salade. Elle nourrit ma vie dans le trou, même si on agit sans le sou. Quand j'étouffe tes sanglots, que je te bats comme un fou, que je martèle comme un sourd, que je rythme mes coups. Tu m'aimes parce que je suis ton loup et que je cogne jamais en dessous de la ceinture. Je me liquéfie à ton contact, que je m'étale comme une confiture. Toi et moi, mon égal sans fioriture, je l'aimerais encore à 50 piges, malgré ses vergetures, car dans ma vie c'était la détentrice. Du temps et de la mesure, je suis bien dans ses bras et la chaleur de ma musique me rassure. Je suis bien dans ses bras et la chaleur de ma musique me rassure. Du temps et de la mesure, je suis bien dans ses bras et la chaleur de ma musique me rassure. Je suis bien dans ses bras et la chaleur de ma musique me rassure. Elle est la confidente des nuits sombres, la gardienne de mes zones d'ombre, celle à qui je parle quand le sort me plombe. Ma musique est de spi, ne se compte pas en ronde, mais en noires et croches. Quand les syllabes ricochent, c'est à elle que je m'accroche. Honnête avec elle, je lui parle comme à mes proches. Elle m'accepte comme je suis, avec rien dans les poches. Elle me dit qu'il n'y a pas de fatalité, que le futur n'est pas voué à être moche, que je vis ma vie à l'arrache. Elle se charge d'atténuer ma rage. Elle est vulgaire, elle kiffe quand elle frôle l'outrage. Elle fait barrage à mes préjugés, m'écartant ainsi de la facilité. C'est elle entre autres qui m'a enseigné le partage. Elle est présente en bande-son depuis mes tout premiers carnages. Elle m'a vu partir en couille pour mieux prendre de l'âge. Elle m'a vu couler les douilles pour mieux prendre le large. M'a vu squatter les choux, jouer le rôle du barge. Si elle était une femme, je serais l'anthropophage, croqueur de cette belle dame. Quand elle et moi on rejoint la rive de nos rêves à la nage, c'est dans les moments obscurs que je lui rends mes hommages. Du temps et de la mesure, je suis bien dans ses bras et la chaleur de ma musique me rassure. Je suis bien dans ses bras et la chaleur de ma musique me rassure. On jouit d'une vie de bohème, chantante comme un poème. À la perspective de notre futur, je vois mes parents devenir blêmes. Quand je leur dis que je l'aime, ils répondent qu'elle m'engraine. C'est à cause d'elle si j'ai la flemme, qu'elle me coupe les ailes comme le ferait une gangrène. C'est à l'appel que je creuse les solutions à mes problèmes, que c'est à peine que je m'en tape, que la vie me malmène. Car elle est ma reine, le plus kiffant des domaines, mais pas celui des ondes hertziennes, celui du cœur, les quelques notes qui résonnent jusqu'à ce que sonne bien le track. Et si elle s'arrache comme un accro au crack, en manque, sans je vivrais mal, j'aurais l'impression d'être un branque. Je serais comme ces gens qui ne comptent que sur leur découverte de banque. Ces mêmes gens qui me flanquent d'étiquettes erronées, sans fente dans ma tête et dans mon cœur omniprésente. Et à chaque événement, c'est elle qui palpe les rentes. Positif, négatif, quand on se mêle qu'elle m'enchante, y'a aucun calcul de vente. En bon nomade dans son paysage, plante ma tente, car de ma syntaxe et de mon verbe, j'alimente notre liaison. Et la douceur de ma musique fait qu'il n'y a plus qu'elle qui compte. Du temps et de la mesure, je suis bien dans ses bras et la chaleur de ma musique me rassure. Je suis bien dans ses bras et la chaleur de ma musique me rassure. Du temps et de la mesure, je suis bien dans ses bras et la chaleur de ma musique me rassure. Je suis bien dans ses bras et la chaleur de ma musique me rassure. Du temps et de la mesure, je suis bien dans ses bras et la chaleur de ma musique me rassure. Je suis bien dans ses bras et la chaleur de ma musique me rassure. Du temps et de la mesure, je suis bien dans ses bras et la chaleur de ma musique me rassure. Je suis bien.